La violence s'est emparée de Daisy Town et risque de l'étouffer. Pour sauver la jeune cité, il faudrait un homme courageux, un homme honnête, un homme capable de faire triompher la justice et ramener la paix. Cet homme, le voici. Cet homme, c'est Lucky Luke. Au sombre héros du Far West qui a su traverser les montagnes rocheuses. Tu poursuis toujours les Dalton, c'est quadruplé en une fuite heureuse. I'm a poor lonesome cowboy and a long way from home. Avec Jolly Jumper, tu pars au fin fond du Far West que t'as bien pu aller. Les desperados et leurs crimes ne feront pas le poids avec tes colts argentés. I'm a poor lonesome cowboy and a long way from home. I'm a poor lonesome cowboy and a long way from home. Écoute, Fred, Joe. Sur les chevaux de la diligence. Ah, c'est pour ça que Dieu ne voulait pas que nous mangeions les chevaux de la diligence. Cowboy, as-tu une maman? Ne te sens-tu pas seul à galoper les plaines? Astérix avait Obélix, mais toi t'as un cheval, pas fun pour causer. Au sombre héros du Far West qui a su traverser les montagnes rocheuses. 100 ans après, on pense à toi, qu'aurais-tu fait à Ville Tanneuse? I'm a poor lonesome cowboy and a long way from home. Quand je pars en pique-nique, je n'oublie jamais l'ouvre-boîte. I'm a poor lonesome cowboy and a long way from home. I'm a poor lonesome cowboy and a long way from home. Cette ville, elle m'énerve. Joe Ducal! Joe Ducal!